Exercice 5, page 160. A. Georges a un frère jumeau. B. Elles hésitent à revenir. C. Ils apportent à manger. D. Elles y vont en juillet. E. Je me suis bien amusée. F. Joyeux anniversaire!